l'épidémie de Covid-19 et les maladies émergentes, le cerveau, l'antibiorésistance, le cancer, la veille sanitaire, les podcasts de l'Institut Pasteur, une série de 5 podcasts pour faire le point sur la recherche et ses avancées. À retrouver sur toutes les plateformes à l'occasion du Pasteur Don. La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, sommes-nous en train d'éteindre les lumières? Bonjour à toutes et à tous qui êtes ici très nombreux, malgré votre excellent respect des règles de distanciation physique. Et bonjour aussi à vous autres qui êtes ailleurs, encore plus nombreux, pour cette émission particulière. Nous sommes en public au Théâtre de la Ville à Paris, en compagnie du camarade Léon Bonafé, que je salue et que je suis bien heureux de retrouver à notre table. Sa mission est d'une importance cruciale. Il devra ponctuer notre conversation scientifique d'interventions poétiques, impromptues, décalées, à contretemps, même si cette dernière expression, à contretemps, m'a toujours laissé perplexe. Qu'est-ce qu'elle peut bien vouloir dire? Mais on va pas commencer à s'égarer. Combat, c'est le nom donné à un cycle de 10 week-ends d'émissions de France Culture, de débats, de lectures, ici au Théâtre de la Ville, en public donc, autour de grands thèmes d'actualité. Et c'est évidemment un nom qui a été choisi en hommage à Albert Camus, qui sera notre figure tutélaire durant tout ce cycle. Notre question du jour, comme on dit, dessert du jour, est celle-ci. Sommes-nous en train d'éteindre les lumières? Elle est d'actualité en effet, car nous proclamons volontiers être les dignes héritiers plus ou moins vaillants de l'esprit des Lumières. Mais est-ce vraiment vrai? Pour le savoir, il faut d'abord rappeler en quoi consiste cet esprit. Si l'on en croit les bons auteurs, l'esprit des Lumières est un esprit, un état d'esprit qui promeut l'autonomie de l'entendement, la primauté de l'esprit scientifique, la critique des idées innées. C'est aussi une façon de réorienter la finalité humaine de nos actes. On ne vise plus Dieu, mais les hommes. On vise l'humanité telle qu'elle pourrait devenir sur cette terre, d'où l'idée de progrès. On propose en somme la quête du bonheur en lieu et place de l'aspiration au salut. L'esprit des Lumières invite enfin à croire à l'universel, à croire en l'universel, qu'il s'agisse de celui des droits de l'homme ou de celui qui est lié à la science, disons aux vérités de science. Dès ses premières formulations, cet esprit des Lumières a certes été soumis à toutes sortes de critiques philosophiques, mais il semble faire face aujourd'hui à une ambiance de fin de règne. Qu'en est-il exactement? Où en est l'universel? Comment va l'humanisme? Comment va l'homme? Et la vérité, l'aimons-nous encore? Bref, à quelle distance sommes-nous de l'esprit des Lumières? Pour en discuter, j'ai invité Francis Wolff. Bonjour. Bonjour Étienne. Vous êtes philosophe, professeur émérite à l'École normale supérieure. Je ne poserai pas la question de savoir comment on peut être à la fois normal et supérieur. Je signale simplement que vous venez de publier un livre qui est directement lié à notre sujet, Plaidoyer pour l'universel. Mais avant, je voudrais vous demander, Francis Wolff, que représente pour vous la figure et l'œuvre d'Albert Camus, dont j'ai rappelé qu'il était la figure tutélaire de ces rencontres. Qu'est-ce que représente pour moi Albert Camus? D'abord, essentiellement, un grand écrivain, celui évidemment du chef-d'œuvre qui s'appelle L'Étranger, celui aussi de ce roman que nous avons peut-être tous refeuilleté il y a quelques mois, qui s'appelle La Peste, même si dans l'esprit de Camus c'était plutôt une métaphore politique, cette épidémie, et qu'il ne pouvait pas prévoir la manière dont la pandémie toucherait l'humanité. C'est aussi pour moi, en effet, un représentant du combat pour l'universel, avec tous les risques que cela comporte, et notamment l'accusation de tiédeur. Lorsqu'on a l'air de ne pas choisir son camp face à ceux qui vous disent « il faut choisir son camp. Il n'y a pas d'autre solution que d'être colonialiste ou anticolonialiste. Eh bien, Albert Camus a défendu aussi bien les musulmans d'Algérie qui étaient l'objet de l'oppression par le colonialisme français que la manière dont les pieds noirs ont été caricaturés. Pour moi, c'est comme ça que je me représente Camus. Et je pense en particulier à son fameux discours de Stockholm quand il a reçu un discours que tous les enfants devraient apprendre, tous les collégiens du moins devraient lire et étudier en classe, qui représente pour moi le combat pour l'universel. Il y a une phrase que j'aime à citer, qui est assez célèbre, il dit quelque chose comme, je cite de mémoire, « Chaque génération se croit vouée à refaire le monde ». Je sais que la mienne ne le fera pas, mais elle a une tâche encore plus importante, celle d'empêcher qu'il ne se défasse. Eh bien, cette phrase était peut-être vraie en 1957, mais je crois qu'elle est encore plus vraie aujourd'hui. Merci Francis Wolff. Dans votre livre, donc Plaidoyer pour l'universel, vous rappelez, dès les premières pages, trois façons philosophiques de penser l'homme qui se sont succédées au cours de l'histoire. L'homme d'Aristote, l'homme de Descartes et l'homme des sciences humaines. En quoi ces trois définitions que vous pourriez rappeler nous aident-elles à poser la question de l'universel aujourd'hui ? Les définitions d'Aristote, imputées à Aristote, qui est « l'homme est un animal, plus exactement un vivant, zoon, doué de logos, qui signifie à la fois raison et langage », et d'une certaine manière, celle qui me semble, en effet, pouvoir être interprété dans un sens universaliste. Pourquoi ? Parce que c'est par le logos que nous sommes humains, en effet. Ce n'est pas par le langage au sens du système de communication ou d'un système d'expression que nous partageons avec de nombreuses espèces sociales, mais c'est le langage comme logos, c'est-à-dire la faculté d'affirmer ou nier, de dire oui ou non, de juger, de discuter, de délibérer, qui fait que nous sommes, par exemple, des êtres politiques parce que nous sommes capables de délibérer en commun. Et non pas simplement d'échanger des informations. La deuxième définition, celle de Descartes comme l'union très étroite d'une âme et d'un corps, que l'on a parfois rabattu sur la première, mais c'est un tort, eh bien cette définition, elle me semble essentielle parce qu'elle est fondatrice de la science moderne, de la science du XVIIe siècle, de la physique mathématique. Pourquoi ? Parce que cette union très étroite qu'est l'homme, en même temps, elle est significative du fait que ce sont deux substances séparables, l'âme et le corps. Et si ce sont des substances séparables, alors l'âme toute seule, et notamment par la raison mathématique, est capable de comprendre, d'expliquer et de savoir réellement ce qu'est le corps, un corps vivant n'étant pour Descartes, rien de plus que de la matière soumise au mouvement. Donc la possibilité d'une science de la nature au sens moderne du terme réside dans cette définition qui unit en l'homme deux substances séparables. Les sciences humaines, nous ont appris, je pense surtout à ce qui s'est passé avant la révolution des neurosciences, puisque au fond la définition que nous sommes en train de vivre en ce moment est le dépassement de celle du XXe siècle, c'est une façon que nous avons eue au XIXe et surtout au XXe siècle, par exemple lors du structuralisme, d'opposer l'homme et l'animal, parce que, par exemple, pour la psychanalyse, l'homme était l'être de désir, l'animal était un être de besoin, l'homme était un être de culture, l'animal était un être de nature, etc. Et c'est ça aussi quelque chose qui est dans l'esprit des Lumières, de savoir ce qui est humain, profondément humain, et spécifiquement humain. J'ajoute juste un point. Sommes-nous en train d'éteindre les lumières ou de voir leur disparition progressive ? Eh bien, chacune de ces définitions que je viens de vanter, elles ont aussi un côté sombre. Car si on regarde la définition d'Aristote, qui est extrêmement précieuse, elle n'en dissimule pas moins que si l'homme est un animal doué de raison, comme aucun être individuel n'incarne l'humanité en tant que telle, les hommes sont plus ou moins proches de l'homme en tant que tel. Et donc, une conception hiérarchique du monde peut s'imposer qui fait que, par exemple, les hommes sont plus hommes que les femmes, et on s'est appuyé sur Aristote pour pouvoir le dire, que certains sont de nature pour être maître et d'autres de nature pour être esclave. De la même façon, si on prend la définition de Descartes, elle dissimule aussi son ombre, parce que si tous les corps extérieurs à l'homme ne sont que de la matière utilisable, eh bien, n'est-ce pas ce qui peut, à la limite, provoquer l'exploitation sans limite de la nature auquel, nous savons, les critiques écologiques nous ont enseigné. Mais est-ce qu'on a besoin, Francis Wolff, d'une définition de l'homme pour fonder philosophiquement l'humanisme ? Alors, on n'a pas besoin forcément d'une définition de l'homme pour fonder l'humanisme, mais on a sans doute besoin de l'idée qu'il y a une spécificité de la communauté morale qu'est l'humanité. Donc, qui est un propre de l'homme. Une spécificité morale au moins de l'homme. C'est-à-dire que lorsque je m'adresse à tout autre homme, je suis dans une certaine relation nécessaire d'égalité et de réciprocité. Par définition, puisque je lui parle et qu'il me parle, parce que je peux lui parler, quelle que soit sa langue, et qu'il peut me parler, quelle que soit ma langue, en dépit de tout cela, nous sommes des êtres qui pouvons échanger, simplement des informations. Mais définition, quand elle est trop précise, ne se retourne pas contre une partie des hommes ? Là, vous venez dire des hommes qui sont capables de communiquer, ou de parler, ou d'avoir un logos, mais certains hommes sont dépourvus de cette faculté, alors, pour des raisons physiques ou autres, et donc on semble les rapetisser, du coup. Alors, il y a deux façons d'interpréter cette objection. La première, qui est classique, c'est de dire oui, et les hommes qui n'ont pas de voix, par exemple, qui sont sourds-muets. Bien entendu, ils sont doués de logos, au sens même le plus fort du terme, et on sait que les langues des signes sont extrêmement riches, et certains montrent même qu'elles sont plus riches que les langues dites parlées ou vocales. Maintenant, il est clair qu'il y a aussi des formes de handicap très sévères qui empêchent certains, peut-être, d'accéder à la parole au sens humain du terme, à une forme de communication et d'échange humain. C'est pour ça que je dis que l'humanité doit être avant tout définie comme une communauté morale. C'est-à-dire que nous nous sentons, pour des raisons que j'essaie de fonder, et pas simplement de l'intuition immédiate, nous nous sentons en devoir d'accueillir tout être né d'un homme et d'une femme à l'intérieur de la communauté humaine, c'est-à-dire avec lequel un échange quelconque doit être possible. C'est une des façons de fonder l'humanisme. Je vous propose une définition de l'homme qui ne souffre pas d'exception au sein de toute l'humanité, qui est celle proposée par René Daumal dans un roman inachevé qui s'appelle « Le Mont Analogue ». L'homme est un bipède sans plume, inapte à l'intellection du nombre pi. Alors, ça englobe absolument. Je ne connais pas cette définition. Elle englobe tout le monde. Qui englobe pas mal de gens. Alors, bipède sans plume, c'est une définition qu'il emprunte à Platon, dans un recueil peut-être apocryphe qu'on appelle les définitions, proposait cette définition puisque. Il y a deux sortes de bipèdes. Il y a ceux qui n'ont pas de plumes, c'est nous, et puis ceux qui ont des plumes, qui sont les oiseaux. Inapte. Alors, quel est le mot qu'il a employé ? Inapte à l'intellection du nombre pi. Alors, tout dépend. Je ne suis peut-être pas tout à fait d'accord, parce que l'intellection du nombre pi, moi, qui suis pas forcément un grand mathématicien, je dis que c'est simplement le rapport d'un diamètre d'un cercle quelconque à sa circonférence, et c'est une parfaite intellection. Maintenant, si on me demande la suite de tous les nombres sur le plan, je ne suis pas capable, dans la mesure où c'est un nombre irrationnel, de l'écrire. Mais la définition que je viens d'en donner de pi me paraît, au fond, une définition possible, une intellection en tout cas possible. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je crains de ne jamais pouvoir réfuter ce que vous dites. J'ai essayé, là, ça... Bon, Bon, Léon, est-ce que ça vous inspire quelque chose, ce qui vient d'être dit sur l'homme? Sur le langage, surtout. Sur le langage, oui. Là, j'ai de quoi rebondir, répondre même, et commencer tout en douceur la poésie avec un extrait du Manifeste Cochon de Jean-Pierre Verhaeghen. Tout dire, tout parler, oser, tout écrire, tout sembler réussir pour mieux finir par tout rater. Tout échouer et en rire. Tout oser. L'Académie, 20 cadavres debout discutent de l'orthographe exacte du mot Maccabée. 20 autres membres, des turgescents, se livrent à de savants calculs de probabilité sur les chances de survie du point d'interrogation final. Puisse-t-il leur être fatal? Tout pue, jeunes gens. Fuyez, hâtez le pas. L'institution nous rattrape, l'établissement est à nos portes et l'art officiel nous colle aux derches. Fuyons tous les cercles. Fuyons celui des lecteurs disparus. Fuyons même celui des lecteurs de Spirou. Fuyons tout. Fuyons surtout celui des poètes retrouvés, gelés, momifiés ou assoupis pour l'éternité dans les platitudes de la convivialité. Fuyez ces mammouths, fuyez leurs mamours, fuyez leurs moumoutes, en avant toutes. Quittez le radada des nouveaux radadaïstes. Quittez le rondibé des ultimes surréalistes. Quittez le dernier carré des irréguliers déjà régularisés. Lâchez le troufignon post-moderniste et l'entrée des artistes post-mortem. Adieu, amen, lâchez tout. Oui, cavalez, jeunes gens. Encourez-vous sans vous retourner. Soyez ironiques et iroquois, y compris à votre propre endroit. Soyez modernes et maladroits, fragiles et touchants, envahissants, chiants, chiatiques, vraiment. Soyez de votre temps. Ayez toutes les audaces, ayez tous les horaces, ayez tous les désespoirs et toutes les vieillesses ennemies à vos basques, ayez tous les curiaces à vos baskets, ayez le bon réflexe, pratiquez toujours la langue des scampettes. Courez les nymphettes, courez les 100 mètres, courez les jupettes, en avant les gambettes, soyez sado-machaussettes. Soyez champêtres et enflés, tigrés et tachetés, corniculés, portez des cornes, soyez ailés, soyez volants, soyez fétides et rampants. Aquatique comme les poissons rouges de Matisse, bucolique, ubucolique, s'entend, urticant et dioïque, allez de coïtes en coïtes, soyez bistorte et tétralie, ayez un rhizome sic en rien forci, ayez trois lits dans un troquet et deux dans un boui-boui, soyez bulbeux, soyez tubéreux, soyez moteux comme un roploplot de brocoli, soyez érudit, cultivez votre jardin d'amour interdit. Soyez scélérie, osez parler scélérat, osez parler en brassicanapus, osez dire mon chou cabu, mon chou de fleurus, ma chmoule, mon chichi fragile. Osez tout dire avec des fleurs de rhétorique qui sentent bon la fleur de pissenlit. Le monde est ailleurs, coincé dans un costume cuisine trois pièces trop étriqué. Soyez sympa et ne faites pas avec, élargissez, croissez, multipliez. En attendant, relisez « Académie dans le métro », ça fait du bien. Osez parler de tout, osez parler de rien, osez parler de votre langue, parler de ses ratés. Osez parler du ratage complet qu'il y a dans la langue pour dire votre sexualité. Osez parler de toutes les langues qui manquent dans la langue qui vous fait défaut en toutes circonstances. Osez crier « Ma manque !» « Allô, ma manque ?» en un seul mot. « Bobo !» Merci Léon, magnifique. Vous êtes d'accord, c'est du logos. C'est exactement du logos. Mais c'est formidable, parce que c'est exactement le logos. Si j'ai bien noté, la première phrase, c'est tout dire. Or, ce que montre le langage humain, c'est qu'on ne peut jamais tout dire. Et en particulier, ce poème, son inventivité langagière à chaque moment, chaque phrase, montre que nous pouvons très bien le comprendre alors que nous n'avons jamais entendu une telle phrase. Et ça, c'est la propriété du langage humain d'être infini et que nous pouvons prendre la langue des scampettes et en faire ce que nous voulons à l'infini. C'est ça le logos. Alors Francis Wolff, on va continuer sur cette question de l'humanisme, de l'humanité. Vous relevez dans votre livre une sorte de paradoxe. Jamais nous n'avons été aussi conscients de former une seule humanité. Et pourtant, partout, on voit apparaître des nouveaux nationalismes, de nouvelles radicalités, de nouvelles revendications communautaristes, comme si le fait de savoir que nous sommes semblables nous poussait à ne pas paraître identiques. Oui, tout à fait. C'est, je crois, le paradoxe de la situation que nous vivons, et peut-être que nous vivons encore plus depuis le début de cette pandémie. J'ai écrit ce texte quelque temps avant le début de cette pandémie, et en effet, je note, jamais nous n'avons eu autant conscience de former une seule humanité, parce que nous savons que les risques que nous courons sont désormais essentiellement planétaires. Et je faisais la liste, je parlais de crise économique, je parlais d'explosion nucléaire, et je citais épidémie ou pandémie. En effet, la pandémie qui nous frappe, frappe non pas nous Français, comme certains le pensent, mais nous, êtres humains. Et la réaction que nous avons vue face à toutes ces attaques sur l'humanité elle-même, ce sont à chaque fois des réactions de repli sur la communauté. Dans le meilleur des cas, elle est nationale et parfois même elle est régionale. C'est-à-dire, ce n'est pas l'humanité qui est atteinte. Et ce paradoxe que nous vivons en ce moment, j'avais écrit même dans un article de Libération que de la pandémie qui frappe l'humanité, l'humanité ne pourra s'en sortir que par plus de solidarité. Et je crois que c'est ce que nous constatons aujourd'hui. C'est-à-dire aussi bien le vaccin, ça ne sert à rien qu'une partie de l'humanité l'ait et pas l'autre, puisque de toute façon, ça continuera de toucher l'ensemble de l'humanité, pour prendre cet exemple. Mais est-ce que l'universel, quand on tente de le définir, n'apparaît pas comme étant plein de trous ? Il oublie des catégories. Alors, qui du coup se sont exclues. Bien du sûr, coup, exactement. Il y a un rapport, j'explique, entre à la fois l'idée que nous formons une seule humanité, d'un côté, et par ailleurs le fait que nous nous replions sur des identités, le plus souvent des identités imaginaires. Pourquoi ? La relation paraît évidente. C'est parce que nous avons peur d'être réduits à ce général, à cette abstraction vide que serait l'humanité, car je ne me définis pas comme être humain, je me définis par un certain nombre d'identités. Le problème des identités qui naissent aujourd'hui, c'est qu'elles veulent réduire l'identité métisse, l'identité plurielle, l'identité variable que chacun d'entre nous est, à une seule identité. Elle veut que nous nous identifions à une religion ou à une race ou à une nation. C'est ça le problème des identités. Les identités, et ce que je montre, je l'espère, c'est une sorte de démonstration même. Voilà, merci. C'est que l'universel n'est pas exclusive des particularités de la diversité culturelle. C'en est la condition. Et pourquoi c'en est la condition ? Parce que vous ne pouvez faire cohabiter des êtres de communautés ou d'identités différentes que sous le chef d'un universel de second degré. Je prends un exemple très simple. Qu'est-ce que c'est que la laïcité dans sa définition la plus générale ? C'est ce qui permet la cohabitation des croyances, des croyants et des non-croyants, ou des diverses religions. Et ça, c'est un universel, mais c'est pas un universel dans lequel je vais affirmer l'universalité de ma croyance, car je crois que ma croyance, elle, est universelle, que tout le monde devrait la reconnaître, puisqu'elle est vraie. Mais ça, c'est pas le problème. C'est pas le problème de la vérité de ma croyance, c'est le problème de l'existence de différentes croyances. C'est le problème de leur coexistence. Et la coexistence n'est possible que sous le chef d'un second niveau, que j'appelle l'universel formel, qui est la possibilité que des particularités ou des particularismes ou des communautés ou des identités cohabitent, et à condition que chacun ne s'identifie pas à une seule identité qui écrase toutes les autres. Donc, si je comprends bien, la référence à l'universel est une condition pour penser l'humanisme. Exactement. La référence à l'universel est une condition pour penser l'humanisme. Et pourtant, vous dites, vous qui êtes un philosophe du XXIe siècle, mais qui a aussi travaillé pendant la fin du XXe. Ça m'est arrivé. Je ne vais pas préciser les dates. Vous écrivez... Je risquerais de révéler mon âge. Je m'en garderai. Millénium. Vous écrivez « La philosophie française dominante de la seconde moitié du XXe siècle a fait de l'humanisme son adversaire principal ». Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Est-ce que vous êtes senti, vous qui défendez l'universel, mis à l'écart? Alors, je fais allusion, d'ailleurs c'est pas une simple allusion, je crois que je cite, oui. Je fais, en tout cas dans cette phrase, allusion à ce qui s'est passé lorsque j'ai fait mes études. Et quand j'ai fait mes études, et les idéologies ou les doctrines philosophiques auxquelles j'adhérais, elles considéraient l'humanisme comme un repoussoir. Être humaniste, c'était une espèce de moralisme bêlant, comme on disait. Être humaniste, c'était nier qu'il y ait, par exemple, des classes sociales qui étaient en lutte, qu'il y avait des exploiteurs et des exploités, ce que je crois. Être humaniste, c'était, au fond, noyer dans un rideau de fumée qui serait neutre les opposants les dominants et les dominés. Donc, l'humanisme, c'était quelque sorte l'ennemi. C'est ce que j'ai lu chez, par exemple, un des professeurs pour lesquels j'avais une immense admiration, qui était Louis Althusser, qui faisait une lecture anti-humanisme de Marx. C'est ce qu'on lisait aussi chez, par exemple, Foucault, en tout cas dans le premier Foucault, celui des mots et les choses, dans lequel nous lisions des déclarations contre l'idée d'être humain. L'humanité est une invention récente et qui, probablement, demain, s'écroulera avec la fin de ce qu'il estimait être les sciences humaines. Donc j'ai baigné dans ce moule, si je puis dire, anti-humaniste. C'est pourquoi tous les arguments contre l'humanisme et contre l'universel, je crois que je les connais très bien, parce que pendant très longtemps, je les ai répétés et j'y ai cru. Et donc, je prends tous ces arguments et je m'efforce de les réfuter. Ben oui, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est impossible de vous réfuter, parce que quand on vous lit, on voit apparaître une objection, et puis en fait, vous la cité avant même qu'on ait pu la formuler. C'est un livre terrible. C'est un livre terrible. Mais par exemple, qu'est-ce que vous répondriez s'il était devant vous à Pierre Bourdieu qui parlait d'un obscurantisme des Lumières pouvant, je le cite, prendre la forme d'un fétichisme de la raison et d'un fanatisme de l'universel? Parce que l'universel, il a quand même été l'argument de la colonisation et d'autres choses de ce type. Bien sûr, c'est évident que l'universel a beaucoup à se faire pardonner, du moins ce qui s'est avancé sous le chef de l'universel, vous disiez le colonialisme, bien entendu, nous, porteurs des valeurs universelles, nous allons les apporter à ces malheureux barbares ou à ces malheureux sauvages qui ne sont pas encore entrés dans l'histoire, comme on a dit encore récemment. Bien entendu, l'universel, c'est souvent, et ça a été souvent le cas, le masque de l'intérêt du plus fort. Je ne le nie pas, et je prends très au sérieux cet argument. Mais en vue de quoi faut-il se battre? Faut-il se battre pour que les anciens colonisés colonisent les anciens colonisateurs, ou faut-il se battre pour l'abolition du colonialisme? Si vous battez pour l'abolition du colonialisme, vous vous battez au nom de l'universel. Et donc, je cite tous les penseurs des grands mouvements de libération, de Frantz Fanon à libération des esclaves de Saint-Domingue, qui disait que le but, c'était justement une société ou un État dans lequel il n'y ait plus cette opposition. Par conséquent, l'universel doit demeurer la finalité de toute lutte, même si, à certains moments, évidemment, c'est au nom... des dominés ou d'un certain type de domination qu'on lutte, mais ça ne peut pas être l'objectif final. Qu'est-ce que vous pensez, comment comprenez-vous plutôt, Francis Wolff, cette remarque de Régis Debray dans « Que reste-t-il de l'Occident ?» Il dit ceci, « Il y a de l'autre ici-bas, on n'est pas que des Occidentaux. » Je comprends cette phrase comme disant, comme voulant dire, l'Occident, ça n'existe pas. Et au fond, c'est ce que je crois. L'algèbre a été découverte au IXe siècle en Perse. Est-ce que l'algèbre est une science iranienne? Non. C'est une science universelle. La loi de la chute des corps, puisqu'on parle, on parle de science, on peut parler de science entre nous, au XVIIe siècle, a été formulée par Galilée. Ça n'en fait pas une science italienne. Donc il y a, en Occident, comme il y a dans tous les pays, des porteurs de l'universel. Comme je dis souvent, il y a des Antigone partout. Il y a des voix qui parlent au nom de l'universel. Et je pense par exemple aux démonstrations magnifiques qu'a pu faire le prix Nobel de l'économie Amartya Sen, qui montrent qu'il n'y a aucune raison de faire gloire à l'Occident d'être porteur des valeurs universelles, lui qui a connu tant de massacres. C'est ce qu'il appelle l'illusion occidentalisante. Non, sur la place Tahrir, lorsque en Tunisie, lorsque au Liban, lorsque à Téhéran, des gens se battent pour leur liberté, est-ce qu'ils se battent au nom de l'Occident ? Non, ils se battent au nom des valeurs de l'universel. Chaque peuple peut être à un moment porteur de l'universel. On parlera à nouveau de la science un peu plus tard, mais vous dites, voilà, par exemple, la loi de la chute des corps, découverte par Galilée en Italie au début du XVIIe, n'est pas une loi italienne. N'empêche que quand on regarde la façon dont apparaissent les idées scientifiques, elles sont toujours liées à un certain contexte, à un moment de l'histoire, à une problématique, à une culture. Einstein lui-même, quand il énonce les lois de la relativité restreinte, dit que les idées lui sont venues parce qu'il est au bureau des brevets à Berne et il reçoit des courriers d'ingénieurs suisses ou allemands qui proposent des systèmes pour synchroniser les horloges à distance à base d'électromagnétisme. Et c'est en lisant ces textes que les idées lui viennent. Donc le contexte a joué. Et donc il y a une genèse, il y a une histoire des idées. Et ce que vous dites, c'est que après coup, elles s'universalisent, mais elles ne le sont pas d'emblée. Alors, je crois qu'il y a deux questions différentes. Il y a la question du contexte et il y a la question des théories ou des concepts eux-mêmes. Bien entendu, une science ou une théorie scientifique, elle naît toujours dans un contexte qui est extrêmement variable. Il y a des moments où la science est née en Chine, il y a des moments où la science est née en Grèce ancienne, il y a des moments où elle est née en Europe au XVIIe siècle. Ça dépend de conditions extrêmement variables. La plupart du temps, il n'y a pas de règle absolue. Parmi ces conditions, il y a la condition sine qua non, qui est la condition de liberté de parole et de recherche. C'est presque une condition nécessaire. Il y a des conditions politiques, il y a des conditions de partage du savoir, il y a des conditions aussi sociales, sociologiques, etc. C'est-à-dire, par exemple, qu'il n'y ait pas une caste qui monopolise le savoir. Il faut aussi des conditions religieuses, c'est-à-dire un certain esprit critique par rapport aux traditions. Bref, il y a un contexte. Et on pourrait, dans chaque cas, en tout cas ceux que je connais le moins mal, la Grèce ancienne ou l'Europe du XVIIe siècle, les analyser en détail. Mais, bien entendu, le contenu théorique, lui, il a une vocation, une finalité universelle. Il faut que je distingue, et je crois que presque tous les scientifiques le distinguent, les conditions contextuelles de naissance de quelque chose et son apport en tant que tel à l'humanité. Bien entendu, la loi de la chute des corps, par exemple, elle est universelle, même si, ainsi que je crois que c'est démontrable, elle n'aurait pas pu naître ailleurs qu'en Europe au XVIIe siècle. France Culture, la conversation scientifique, Étienne Klein. Est-ce qu'on a le droit de dire que l'universel peut échapper au fait que quand il s'exprime, il semble toujours particulier ? Il a une date de naissance, un lieu de naissance, il est le fruit d'un contexte, comme vous l'avez rappelé. Il se lit dans un certain langage, je pense par exemple à la Déclaration universelle des droits de l'homme, celle de 1789 ou celle de 1948. Est-ce que ces déclarations sont traduisibles ? Par exemple, est-ce qu'un Chinois peut comprendre comme nous la comprenons, après traduction, la Déclaration universelle des droits de l'homme ? Alors ça, c'est une question... Sachant que la notion d'individu en chinois, pas directement... C'est une question très difficile et à laquelle, en effet, je m'efforce, là encore, de répondre. Prenons la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Elle naît dans un contexte très particulier et il y a quelque chose... Évidemment, la Révolution française, etc., je ne vais pas rappeler les conditions historiques, mais ce qui est le plus intéressant, c'est les conditions philosophiques. condition philosophique pour que la Déclaration des droits humains 1789 soit formulée, c'est une conception que j'appellerais atomistique de l'individu. C'est-à-dire que nous sommes tous des individus, on a appelé ça l'idéologie libérale, que je prends au sens large du terme et pas forcément au sens péjoratif, c'est-à-dire que nous naissons comme des individus séparables, chacun doté de droits individuels, et qui font que, dans un deuxième temps, nous pouvons nous associer dans des communautés variables, etc. Cette conception-là, elle est en effet très datée. Tout à fait d'accord. Et donc, la condition de formulation des déclarations des droits de l'homme, elle est étroitement dépendante non seulement de son contexte historique, mais de ce qu'on appelle son ontologie, c'est-à-dire sa conception de ce qui est basique. Il est clair, ainsi que beaucoup d'africanistes nous ont fait remarquer, que pour beaucoup de pays africains, cette idée a moins de sens, je ne dis pas de sens du tout, parce que l'individu se définit avant tout essentiellement par ses relations à l'intérieur d'une communauté donnée, ses relations familiales, etc. Donc ça, c'est un problème auquel on a été très sensible depuis la deuxième déclaration, celle qui est une prétention universelle, déclaration des droits humains de 1948, en essayant de traduire la déclaration universelle dans des convention régionale des droits de l'homme, et par exemple la convention africaine des droits de l'homme qui donne... C'est une adaptation. Alors c'est une adaptation plus qu'une simple traduction au sens linguistique du terme. Ce que je remarque néanmoins, c'est qu'il y a la traduction, il y a l'adaptation, et j'en donne un certain nombre d'exemples, mais il y a un troisième mode de montrer l'universalité des droits humains qui n'est pas textuel, qui est de laisser le mouvement populaire historique s'approprier le contenu des droits de l'homme. C'est ce que j'appelle l'appropriation. Et lorsque vous voyez les mouvements, par exemple, de ce qu'on a appelé les printemps arabes, eh bien, il y a une forme d'appropriation qui est passée sans que ces gens-là le sachent, qui est passée par, en effet, quelque chose comme la traduction. Par exemple, la notion de dignité qu'on croyait strictement occidentale, avec tous les guillemets qu'on peut imaginer, qu'on pensait intraduisible dans une langue ou chez des peuples qui n'avaient pas connu un XVIIIe siècle voltairien et laïque. Eh bien, cette notion, elle a été traduite en arabe et elle a représenté un mouvement d'appropriation par le bas et non pas de traduction par le haut des mêmes droits de l'homme. Lutter pour sa liberté, c'est lutter pour les libertés fondamentales, c'est une façon de s'approprier le contenu des droits humains. Et là encore, comme pour la science, je distinguerai le contexte et le contenu. Mais est-ce que vous pensez que cette déclaration, en tout cas l'esprit qu'on lui donne, est en crise ? Hannah Arendt, dans son livre « Les origines du totalitarisme », disait déjà en 1951, elle évoque déjà la fin des droits de l'homme dans un chapitre qui s'appelle « Le déclin de l'État-nation et la fin des droits de l'homme ». Est-ce que c'était prémonitoire ou est-ce que elle s'est trompée dans son diagnostic ? Elle ne s'est pas trompée. Je crois que les droits de l'homme étaient plus en péril à son époque qu'aujourd'hui. Contrairement à ce qu'on dit, la conscience des droits de l'homme n'a cessé de monter depuis les années 50 et 60. Et vous parliez de la Chine à l'instant. Si on compare la situation des droits de l'homme en Chine, qui n'est pas brillante aujourd'hui, elle n'a rien à voir avec ce qu'elle était il y a 20 ans ou il y a 30 ans au moment de la révolution culturelle ou du grand bond en avant. C'est-à-dire que, là encore, j'allais dire, c'est la face heureuse de quelque chose dont on ne cesse de rappeler la face malheureuse de la mondialisation. Rentrer dans le marché mondial, ça a des conséquences catastrophiques que je ne vais pas rappeler, mais ça aussi, son prix, si je puis dire, ou son bénéfice, c'est que cela suppose, en effet, la montée de la conscience humaine un peu partout. Et pas simplement le fait que ça a sorti quelques millions ou dizaines de millions d'êtres humains de l'extrême misère. Vous êtes trop convaincant, Francis Wolff, pour que je vous laisse parler plus longtemps. Je vais demander à Léon de nous proposer une lecture, peut-être sur la science. Ça a parlé de science, et c'est aussi presque une réponse à contre-temps, puisque tout à l'heure, avec Jean-Pierre Verhaeghen, on était sur le tout dire, tout parler. Et là, avec Victor Hugo, qui s'adresse à l'homme, on va être aussi sur ce qui nous échappe. Si tu vas devant toi pour aller devant toi, c'est bien. L'homme se meut et c'est là son emploi. C'est en errant ainsi, c'est en jetant la sonde que l'air trouve une loi, que Colomb trouve un monde. Mais rêvant l'absolu, si c'est Dieu que tu veux prendre comme on prendrait un fuyard aux cheveux, si tu prétends aller jusqu'à la fin des choses, et là, debout devant cette cause des causes, Uranus des païens, Sabaoth des chrétiens, dire « Réalité terrible, je te tiens », tu perds ta peine. Ajuste, ô fils quelconque d'Ève, n'importe quel calcul à n'importe quel rêve. Ajoute à l'hypothèse une lunette et mets des chiffres l'un sur l'autre à couvrir les sommets de l'Athos, du Mont Blanc farouche, du Vésuve. Monte sur le cratère ou plonge dans la cuve. Fouille, creuse, escalade, envole-toi, descends. Fais faire par gambet des vers grossissants. Guette, plane avec l'aigle ou rampe avec le crabe. Crois tout, doute de tout. Apprends l'hébreu, l'arabe, le chinois. Sois hindou, grec, bouddhiste, arien. Va. Tu ne saisiras l'extrémité de rien. Poursuivre le réel, c'est chercher l'introuvable. Le réel, ce fond vrai d'où sort toute la fable, c'est la nature en fuite à jamais dans la nuit. Le télescope au fond du ciel noir la poursuit. Le microscope court dans l'abîme après elle. Elle est inaccessible, imprenable, éternelle. Et n'est pas moins énorme en dessous qu'en dessus. Des aspects effrayants sont partout aperçus. Le spectre vibrion vaut le soleil fantôme. Un monde plus profond que l'astre, c'est l'atome. Quand, sous l'œil des penseurs, l'infiniment petit sur l'infiniment grand se pose, il l'engloutit. Puis l'infiniment grand remonte et le submerge. Mère terrifiante et formidable vierge, la nature fatale engendre éperdument des chaos d'où jaillit cette loi, l'élément. Elle est le haut, le bas, l'immense ombre, l'aïeul. Toute sa foule étant elle-même, elle est seule. Monde, elle est la nature. Âme, on l'appelle Dieu. Tout être, quel qu'il soit, du gouffre est le milieu. Pas de sortie et pas d'entrée, aucune porte, on est là. C'est pourquoi le chercheur triste avorte. C'est pourquoi le ciel juif succède au ciel romain. C'est pourquoi ce songeur épars, le genre humain, entend à chaque instant vagir de nouveaux cultes. C'est pourquoi l'homme, en proie à tant de noirs tumultes, rêve et tâte l'espace et veut un point d'appui, ayant peur de la nuit tragique autour de lui. C'est pourquoi le Messie est chassé par l'apôtre. C'est pourquoi l'on a vu crouler, l'un après l'autre, ayant tous fait fléchir au peuple le genou, Brahma, Dagon, Baal, Odin, Allah, Vishnu. L'idolâtrie échoue. Elle est sur tout abîme et dans tous les bas-fonds, le même essai sublime et la même chimère inutile, créant toujours le même Dieu pour le même néant. Merci Léon Bonafé pour cette lecture de « À l'homme » de Victor Hugo, qui contredit un peu ce que vous dites, Francis. Impossible. Mais je vais vous le montrer. Poursuivre le réel, dit Victor Hugo, c'est chercher l'introuvable. Et attendez, maintenant... C'est exactement ce que je dis, non. Étienne. Non, page 225, voilà ce que vous dites. Ce que suppose... 225. Oui, mais il faut voir 226 aussi. D'accord, mais j'y suis pas. Ce que suppose la science, c'est ceci. Il y a un monde hors de nous, le même pour tous. C'est la condition qui rend possible la relation d'objectivité du langage. Parce que le monde qu'elle dit serait réel... Même sans être humain, la science achevée serait vraie même si nous n'étions pas là. Elle n'est pas une croyance plus croyable encore que toute croyance, c'est le rêve d'abolition de toute croyance. Le discours scientifique neutralise la relation d'interlocution parce qu'il vise à dire le monde du point de vue où nul ne le voit ni ne le dit. Et la physique quantique ? Alors. Je vais répondre à la question, justement de la relation. Je vais répondre à la question de la physique quantique plus tard si je le peux, mais ce que je dis dans cette page et dans les pages qui précèdent et qui suivent, c'est que l'idéal scientifique, c'est-à-dire la science achevée, et je soutiens l'idée que la science est inachevable. Je soutiens qu'elle est inachevable et j'essaye de montrer pourquoi. Ça, c'est page 226, en effet. Ah, voilà, je savais bien. J'espère montrer qu'elle est inachevable et qu'elle doit pourtant en permanence chercher son achèvement. Et par conséquent, je dis, qu'est-ce que serait la science achevée ? Ce serait le monde vu de nulle part. Mais c'est une contradiction, puisque s'il n'y avait pas d'œil pour voir le monde, il n'y aurait évidemment pas de science. Pourtant, c'est l'idéal absolu de la science et c'est le moteur du progrès scientifique. Moteur du progrès scientifique, c'est évidemment le doute perpétuel sur les théories. Mais nous avons un indice évident de l'inachevabilité de la science, sans avoir besoin d'imaginer un futur proche ou lointain. C'est le fait que, à mesure que la science progresse, l'unité du monde se fissure. Et c'en est une condition. Évidemment, nous savons peut-être de mieux en mieux la structure de la matière, mais ce n'est pas avec des bosons et des quarks que nous pouvons, aujourd'hui du moins, et peut-être sans doute jamais, expliquer un être vivant ou que nous pouvons expliquer, je ne sais pas moi, la philologie arabe. Je veux dire que chaque type d'objet nécessite son type de scientificité et que l'idée d'une science du tout ne serait pas du tout une science. Autrement dit, c'est une totalité inachevable, mais qui doit en permanence chercher à s'achever. Dans ce texte, et plus encore un autre que je me permets de citer, qui est la dernière édition d'un livre qui s'appelle « Dire le monde », je distingue soigneusement, si j'espère, le monde et le réel. C'est-à-dire que la science tente à nous faire comprendre, nous expliquer ce qu'est la réalité, mais la réalité ne peut jamais nous apparaître comme un tout, c'est-à-dire comme nous apparaît le monde. Mais vous avez dit la science c'est le doute. Est-ce que là, s'il n'y a pas quelque chose qui fournit un argument pour le relativisme ? Je veux dire par là que pendant la crise que nous traversons, on a entendu souvent cette phrase. Or, il me semble que cette phrase confond la science et la recherche. La science, c'est un corpus de connaissances qu'on n'a pas lieu de remettre en cause, sauf si une nouvelle indication expérimentale ou observationnelle venait nous obliger à remettre en cause ce que nous croyons savoir. Mais il y a quand même des connaissances scientifiques dont on voit mal comment on pourrait les abandonner. Le fait que la Terre est ronde, le fait que l'atome existe, le fait que l'univers observable est en expansion. On voit pas très bien comment on pourrait être amené dans la suite de l'histoire, par des arguments scientifiques, à contester ces entre guillemets, vérité scientifique. Mais fait que les espèces sont en évolution. Voilà. Mais ce corpus de connaissances, lui-même, pose des questions pour lesquelles on n'a pas les réponses. Et c'est pour cela qu'on fait de la recherche. Par exemple, est-ce que le neutrino est identique à son antiparticule ? Personne n'en sait rien. Donc on fait des expériences, on met sur pied des protocoles. Et là, il y a du doute, a priori, puisqu'on fait de la recherche. Et le fait de les mélanger, à mon avis, sert d'arguments, par exemple, pour les climato-sceptiques. La science est le doute, donc on ne peut jamais rien savoir et on n'a jamais rien à enseigner. Alors, je suis tout à fait d'accord. J'ai gagné. Mais non, mais on est souvent d'accord, Étienne. Même depuis le début, on est d'accord. Il suffit qu'on s'approuve l'un à l'autre. Un des principaux arguments, en effet, de ceux qui contestent la science, c'est de dire que la science, c'est le doute. Je répète exactement ce que vous venez de dire. Et c'est, par exemple, l'argument majeur des créationnistes. Les créationnistes disent, faut douter de tout, c'est ce que nous enseigne la science. Et d'ailleurs, je remarque que les anti-sciences, que ce soit les partisans de l'alchimie ou de créationnisme, etc., ne manque jamais d'arguments. Au contraire, c'est une pluie d'arguments qui vous assiste et c'est une pluie de preuves. Ceci, cela. Non, la science ne fonctionne absolument pas de cette façon. La science est en effet des corpus de connaissances qui ne peuvent être remis en question que globalement, c'est-à-dire lorsqu'il y a, et ça n'est pas tous les jours, des grands changements de paradigme. Au moment, évidemment, de la recherche, avant que s'établisse une loi, par exemple, avant que s'établisse une théorie, il y a des moments de bouleversement des connaissances qui, d'ailleurs, ne remettent pas tout en question, et je ne voudrais pas l'injure de d'ignorer une des choses que vous avez le mieux montré, c'est-à-dire que la théorie de la relativité restreinte est un cas particulier, ou plus exactement, disons plutôt l'inverse, le système newtonien, n'est-ce pas, est au fond une application particulière de quelque chose de plus large qu'est la théorie de la relativité restreinte. Autrement dit, que c'est plutôt par un doute concernant les conditions d'application d'une théorie dont on montre qu'elles sont partielles, qu'elles ne s'appliquent pas à tous les cas, que l'on remet en question les édifices théoriques. Mais le doute, ça n'est pas la remise en question permanente du savoir. Tout à fait d'accord. Léon Bonafé a l'air de bouger sur sa chaise. Ah oui, non, parce que comme on est tous d'accord, c'est super. Et je crois qu'en plus, j'ai un texte qui va encore plus nous... texte nous de Prévert qui va nous aider à être encore plus d'accord. Prévert qui disait notamment « On ne fait jamais d'erreur sans se tromper ». Voilà pour les suites. Et ce poème s'appelle « Sait-on jamais ?» Eux disent « Savoir toujours ». Ils disent « La terre, la lune, le cosmos, l'infini, le bien, le mal et les origines de la vie ». Ils disent tout comme si de rien n'était. Mais quand l'appréhension de l'incompréhension les prend, ils prennent peur. Et cette peur renverse la vapeur de leurs idées. Alors ils s'arrêtent à la première gare, à la première station standard, et c'est toujours le même horaire, la même horreur, celle du vide. Alors ils font leur plein d'essence divine, démarrent à nouveau, et s'en vont de plus en plus vite pour arriver de moins en moins loin. Bon, merci Léon, c'est un peu nous tout ça. Alors, pour terminer cette émission, Francis Wolff, j'aimerais qu'on parle un peu de culture. Vous écrivez « Tout n'est pas culture dans une culture ». J'ajouterais « Sauf à France Culture ». Mais qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Tout n'est pas culture dans une culture. J'ai compris qu'en fait, on peut revendiquer sa culture pour s'opposer à l'universel. Tout n'est pas culture dans une culture, cela signifie aussi que dans une culture, il y a des apports qui sont extérieurs, il peut même y avoir une part naturelle dans ce qui passe pour être exclusivement culturel, il peut y avoir une part métissée dans ce qui passe pour être ma culture, il peut y avoir une part contextuelle dans ce qui passe pour être une culture. Au fond, j'essaie de montrer que l'idée de culture, elle a deux sens. Un sens qui me paraît absolument essentiel, en dehors de celui qu'il y a chez France Culture, mais c'est l'idée que nous sommes des êtres de culture, c'est-à-dire d'apprentissage et de transmission. Pas simplement de savoir, mais aussi de pratique, de savoir-faire, de technique, etc. De croyance. Bon. Ça, c'est le bon sens. C'est le sens admissible du mot culture. Il y en a un autre dont je me méfie, c'est quand on dit les cultures, la culture de tel pays, la culture de tel pays. Mais ça n'existe pas, les êtres humains qui appartiennent à la culture de ce pays, eh bien, ils n'adhèrent pas à toutes les croyances de cette culture. Je prends souvent cet exemple, pendant longtemps, au-dessus de chez moi, il y avait un mage, vivait un mage. Et beaucoup de gens se trompait, sonnait chez moi en disant « Est-ce que c'est vous le mage ?» Je disais que c'était pas moi, je disais « C'est au-dessus ». Bon, très bien. Alors, c'est quelqu'un, c'est un voisin avec qui je fais partie de la même culture que lui. Oui, d'accord. Mais ses croyances ne sont pas les miennes et c'est la culture qu'on pourrait lui imputer, elle pourrait être celle d'une population entre guillemets primitive. Donc tout n'est pas culture dans une culture parce que on ne peut pas résumer une culture comme si c'était, on ne peut pas ramener une culture à une identité. Une culture, elle est encore une fois, faite de mélanges, de mix, de métissages et d'influences diverses. Alors, qu'est-ce que vous appelez le sophisme relativiste ? Je vais vous lire. Vous allez me dire si vous êtes d'accord avec vous-même. Et après, je verrai si je suis avec vous. Puisque toutes les valeurs sont culturellement variables, toutes les valeurs sont relatives à des cultures. C'est ça le sophisme que vous dénoncez. Exactement. Est-ce que ça reprend la même idée que celle que vous... C'est à peu près la même idée. C'est-à-dire qu'on passe d'une idée vraie, c'est-à-dire que, par exemple, la culture chinoise des manières de table, par exemple, n'est pas la culture française des manières de table. Très bien. Donc c'est relatif. Parfait. Est-ce que maintenant j'ai le droit d'en conclure que la culture des Chinois est différente de la culture des Français ? Non, parce que la culture des Chinois, elle est faite, elle est variable, elle est faite de mille choses. Donc la culture, lorsqu'elle qualifie des choses, elle me paraît tout à fait justifiée. Lorsqu'elle définit ou qu'elle enferme les êtres dans une identité, elle me paraît extrêmement discutable, voire critiquable. Donc vous réfutez le relativisme en disant qu'il est conduit à des paradoxes. Vous dites qu'il est même au rouet. Le relativiste est au rouet. Au nom de l'humanité, il se croit tenu de défendre également toutes les cultures. Au nom de l'égalité des cultures, il ne peut pas dénoncer leur inhumanité. Oui, ou un autre paradoxe du relativisme, c'est la question qu'il faut lui poser en permanence. Est-ce que le relativisme, il est valable pour toutes les cultures, y compris pour la vôtre ? Et dans ce cas-là, il se contredit lui-même. Donc, la phrase qui dit « tout est relatif » est autoréférente. Exactement. Elle est Parce que s'il était vrai que tout est relatif, il serait relatif que tout est relatif. Exactement. C'est une objection que notre collègue Platon faisait aux relativistes à son époque, qui était Protagoras. Oui. Alors qu'est-ce qui vous rend, et ça sera presque le mot de la fin, Francis Wolff, relativement optimiste? En tout cas, c'est ce qu'on ressent à la conclusion de votre livre. Oui. Vous cernez toutes les attaques philosophiques ou autres qui sont adressées à l'universel, et en même temps, vous pensez qu'il... Après quelques remaniements, il pourra finalement gagner la partie en tant qu'objectif ou idéal. Alors, voici exactement les limites de mon optimisme. Je crois que l'universel et l'universalisme humaniste est la seule manière pour l'humanité de s'en sortir. Alors, c'est une porte étroite, mais c'est la seule. Et je constate que... In extremis, on s'en sort. Je peux prendre un exemple minuscule. On a dit au début de la pandémie, c'est pas possible, l'Europe est plus niée que jamais. C'est vrai, Brexit, Orban, etc. Chacun se replie, chaque État, chaque pays a fait à sa manière. N'empêche que l'Europe a fait un pas de géant en mutualisant les dettes pour la première fois de son histoire, face au péril que représentait la pandémie. Je pense que ce qui a été possible, c'est-à-dire d'aller progressivement vers quelque chose qui fait horreur à certains et qui est en fait un espoir de sauver l'Europe, c'est-à-dire quelque chose qui serait fédéraliste, à condition que ça n'écrase pas les multiples identités culturelles locales, eh bien, c'est possible à l'échelle de la planète. Et je constate que malgré tout, c'est comme ça que, arculons en faisant un pas en arrière de temps en temps, on finit toujours quand même par faire deux pas en avant. Merci Francis Wolff. Je recommande la lecture de votre livre « Plaidoyer pour l'universel ». Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à Léon Bonafé pour le choix des textes et la lecture brillante qu'il en a faite. Je remercie les équipes de France Culture, les équipes du Théâtre de la Ville. C'était la conversation scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la technique Hervé Dubreuil et à la réalisation d'Enfine Lemaire. Tout de suite, c'est-à-dire dans quelques instants, vous retrouvez Olivier Agelsberg pour En français dans le texte.